Chapitre 54e, où l'abbé Fortier donne une nouvelle preuve de son esprit contre-révolutionnaire. Le dimanche suivant, les habitants de Villers-Cotterêts furent réveillés par le tambour battant avec acharnement le rappel des 5 heures du matin. Rien n'est plus impertinent, à mon avis, que cette façon de réveiller une population dont la majorité, presque toujours, il faut le dire, préférerait achever tranquillement sa nuit et compléter les 7 heures de sommeil dont, suivant l'hygiène populaire, tout homme a besoin pour se conserver dispo et bien portant. Mais à toutes les époques de révolution, il en est ainsi, et quand on entre dans une de ces périodes d'agitation et de progrès, il faut mettre philosophiquement le sommeil au nombre des sacrifices à faire à la patrie. Satisfaits ou non satisfaits, patriotes ou aristocrates, les habitants de Villers-Cotterêts furent donc réveillés le dimanche 18 octobre 1789 à 5 heures du matin. La cérémonie ne commençait cependant qu'à 10 heures. Mais ce n'était pas trop de 5 heures pour achever tout ce qui restait à faire. Un grand théâtre, dressé depuis plus de 10 jours, s'élevait sur le milieu de la place. Mais ce théâtre, dont la construction rapide attestait le zèle des ouvriers menuisiers, n'était pour ainsi dire que le squelette du monument. Le monument était un hôtel à la patrie sur lequel l'abbé Fortier avait été invité, depuis plus de 15 jours, à venir dire la messe le dimanche 18 octobre au lieu de la dire dans son église. Or, pour rendre le monument digne de sa double destination religieuse et sociale, il fallait mettre à contribution toutes les richesses de la commune. Et nous devons le dire, chacun avait généreusement offert ses richesses pour cette grande solennité. Celui-ci un tapis, celui-là une nappe d'autel, l'un des rideaux de soie, l'autre un tableau de sainteté. Mais comme la stabilité n'est point, au mois d'octobre, une des qualités du temps, et que le baromètre marquant le beau fixe est un cas rare sous le signe du scorpion, personne ne s'était exposé à faire son offrande d'avance, et chacun avait attendu le jour de la fête pour y apporter son tribut. Le soleil se leva à 6h30, selon son habitude à cette époque de l'année, annonçant par la limpidité et la chaleur de ses rayons une de ces belles journées d'automne qui peuvent entrer en comparaison avec les plus belles journées du printemps. Aussi, dès 9h du matin, l'hôtel de la patrie fut-il revêtu d'un magnifique tapis de puceaux, couvert d'une nappe toute garnie de dentelles, surmonté d'un tableau représentant le prêche de Saint-Jean dans le désert et abrité par un dais de velours à crépines d'or d'où pendaient de magnifiques rideaux de brocart. Les objets nécessaires à la célébration de la messe devaient naturellement être fournis par l'église. On ne s'en inquiéta donc point. En outre, chaque citoyen, comme au jour de la fête Dieu, avait tendu le devant de sa porte ou de la façade de sa maison avec des draps ornés de rameaux de lierre ou des tapisseries représentant soit des fleurs, soit des personnages. Toutes les jeunes filles de Villers-Cotterêts et des environs, vêtues de blanc, la taille serrée par une ceinture tricolore et tenant à la main une branche de feuillage, devaient entourer l'autel de la patrie. Enfin, la messe dite, les hommes devaient faire serment à la Constitution. La garde nationale de Villers-Cotterêts, sous les armes à partir de 8 heures du matin, attendant les gardes civiques des différents villages, fraternisait avec elles au fur et à mesure de leur arrivée. Il va sans dire que parmi toutes ces milices patriotiques, celle qui était attendue avec le plus d'impatience était la garde civique d'Aramon. Le bruit s'était répandu que grâce à l'influence de Pitou, et par une largesse toute royale, les 33 hommes qui la composaient, plus leur capitaine Ange Pitou, seraient revêtus d'habits d'uniforme. Les magasins de maître du Leroy n'avaient pas désempli de la semaine. Il y avait eu affluence de curieux dedans et dehors pour voir les 10 ouvriers travaillant à cette gigantesque commande qui, de mémoire d'homme, n'avait pas eu sa pareille à Villers-Cotterêts. Le dernier uniforme, celui du capitaine, car Pitou avait exigé qu'on ne songe à lui qu'après avoir servi les autres, le dernier uniforme avait été, selon les conventions, livré le samedi soir à 11h59. Selon les conventions aussi, Pitou avait alors compté rubis sur l'ongle les 25 louis à monsieur du Leroy. Tout cela avait donc fait grand bruit au chef-lieu du canton, et il n'était pas étonnant qu'au jour dit la garde nationale d'Aramon fût impatiemment attendue. À 9 heures précises, le bruit d'un tambour et d'un fifre retentit à l'extrémité de la rue de Larnier. on entendit de grands cris de joie et d'admiration, et l'on aperçut de loin Pitou, monté sur son cheval blanc, ou plutôt sur le cheval blanc de son lieutenant Désiré Maniquet. La garde nationale d'Aramon, ce qui n'arrive pas d'ordinaire pour les choses dont on s'est longtemps entretenu, la garde nationale d'Aramon ne parut pas au-dessous de sa réputation. On se rappelle le triomphe qu'avaient obtenu les Aramontois lorsqu'ils n'avaient pour tout uniforme que 33 chapeaux pareils, et Pitou lorsqu'il n'avait pour marque distinctive de son grade qu'un casque et un sabre de simple dragon. Que l'on s'imagine donc quelle tournure martiale devaient avoir les 33 hommes de Pitou, revêtus d'habits et de culottes d'uniforme, et quel air coquet devait affecter leur chef, avec son petit chapeau sur l'oreille, son haut-col sur la poitrine, ses pattes de chat sur les épaules et son épée à la main. Il n'y eut qu'un cri d'admiration de l'extrémité de la rue de Largny à la place de la Fontaine. La tante Angélique ne voulait pas à toute force reconnaître son neveu. Elle faillit se faire écraser par le cheval blanc de Maniquet en allant regarder Pitou sous le nez. Pitou fit avec son épée un majestueux salut, et de manière à être entendu à 20 pas à la ronde, il prononça pour toute vengeance ces paroles « Bonjour, madame Angélique !» La vieille fille, écrasée sous cette respectueuse appellation, fit 3 pas en arrière en levant les bras au ciel et en disant « Oh, le malheureux! Les honneurs lui ont tourné la tête. Il ne reconnaît plus sa tante. » Pitou passa majestueusement sans répondre à l'apostrophe et alla prendre au pied de l'hôtel de la patrie la place d'honneur qui avait été assignée à la garde nationale d'Aramon, comme à la seule troupe qui eut un uniforme complet. Arrivé là, Pitou mit pied à terre et donna son cheval à garder un gamin qui reçut pour cette tâche 6 blancs du magnifique capitaine. Le fait fut rapporté 5 minutes après à la tante Angélique qui s'écria « Mais le malheureux, il est donc millionnaire ?» Puis elle ajouta tout bas « J'ai été bien mal inspiré de me brouiller avec lui. Les tantes héritent des neveux. » Pitou n'entendit ni l'exclamation ni la réflexion. Pitou était tout simplement en extase. Au milieu des jeunes filles saintes d'un ruban tricolore et tenant à la main un rameau de verdure, il avait reconnu Catherine. Catherine, pâle encore de la maladie à peine vaincue, mais plus belle de sa pâleur qu'une autre ne l'eût été du plus frais coloris de la santé. Catherine, pâle mais heureuse, le matin même, grâce aux soins de Pitou, elle avait trouvé une lettre dans le sol creux. Nous l'avons dit, pauvre Pitou, il trouvait du temps pour tout faire. Le matin à 7 heures, il avait trouvé le temps d'être chez la mère Colombe. À 7 heures un quart, il avait trouvé celui de déposer la lettre dans le sol creux, et à 8 heures, celui de se trouver revêtu de son uniforme à la tête de ses 33 hommes. Il n'avait pas revu Catherine depuis le jour où il l'avait quittée sur son lit à la ferme, et nous le répétons, il la voyait si belle et si heureuse qu'il était en extase devant elle. Elle lui fit signe de venir à elle. Pitou regarda autour de lui pour voir si c'était bien à lui que le signe s'adressait. Catherine sourit et renouvela son invitation. Il n'y avait pas à s'y tromper. Pitou mit son épée au fourreau, prit galamment son chapeau par la corne et s'avança la tête découverte vers la jeune fille. Pour Monsieur de Lafayette, Pitou eut simplement porté la main à son chapeau. « Ah, Monsieur Pitou, lui dit Catherine, je ne me reconnaissais pas. Mon Dieu, comme vous avez bonne mine sous votre uniforme !» Puis tout bas. « Merci, merci, mon cher Pitou, ajouta-t-elle. « Oh, que vous êtes donc bon et que je vous aime !» Et elle prit la main du capitaine de la garde nationale qu'elle serra entre les siennes. Un éblouissement passa sur les yeux de Pitou. Son chapeau s'échappa de la main qui était restée libre et tomba à terre, et peut-être le pauvre amoureux allait-il tomber lui-même près de son chapeau quand un grand bruit accompagné de rumeurs menaçantes retentit du côté de la rue de Soissons. Quelle que fût la cause de ce bruit, Pitou profita de l'incident pour sortir d'embarras. Il dégagea sa main des mains de Catherine, ramassa son chapeau et courut se mettre en criant « aux armes » à la tête de ses 33 hommes. Disons ce qui causait ce grand bruit et ces rumeurs menaçantes. On sait que l'abbé Fortier avait été désigné pour célébrer la messe de la Fédération sur l'autel de la patrie et que les vases sacrés et les autres ornements du culte, comme croix, bannières, chandeliers, devait être transporté de l'église sur le nouvel autel dressé au milieu de la place. C'était le maire, M. de Lompré, qui avait donné les ordres relatifs à cette partie de la cérémonie. Monsieur de Lompré, on se le rappelle, avait déjà eu affaire à l'abbé Fortier, lorsque Pitou, l'arrêté de Monsieur de Lafayette à la main, avait requis la force armée pour s'emparer des armes détenues par l'abbé Fortier. Or, Monsieur de Lompré connaissait, comme tout le monde, le caractère de l'abbé Fortier. Il le savait volontaire jusqu'à l'entêtement, irritable jusqu'à la violence. Il se doutait bien que l'abbé Fortier n'avait pas gardé un souvenir bien tendre de son intervention dans toute l'affaire des fusils. Aussi s'était-il contenté, au lieu de faire une visite à l'abbé Fortier et de traiter la chose d'autorité civile à autorité religieuse, aussi s'était-il contenté, disons-nous, d'envoyer au digne serviteur de Dieu le programme de la fête dans lequel il était dit, article 4, « La messe sera dite sur l'autel de la patrie par M. l'abbé Fortier, elle commencera à 10h du matin. » Article 5. Les vases sacrés et autres ornements du culte seront, par les soins de M. l'abbé Fortier, transportés de l'église de Villers-Cotterêts sur l'autel de la patrie. Le secrétaire de la mairie en personne avait remis le programme chez l'abbé Fortier, lequel l'avait parcouru d'un air goguenard et d'un ton en tout point pareil à son air avait répondu « C'est bien ». À 9h, nous l'avons dit, l'autel de la patrie était entièrement paré de son tapis, de ses rideaux, de sa nappe et de son tableau représentant Saint Jean prêchant dans le désert. Il ne manquait plus que les chandeliers, le tabernacle, la croix et les autres objets nécessaires au service divin. À 9h30, ces différents objets n'étaient point encore apportés. Le maire s'inquiéta. Il envoya son secrétaire à l'église afin de s'enquérir si l'on s'occupait du transport des vases sacrés. Le secrétaire revint en disant qu'il avait trouvé l'église fermée à double tour. Alors il reçut l'ordre de courir jusque chez le Bedeau. Le Bedeau devait naturellement être l'homme chargé de ce transport. Il trouva le Bedeau, la jambe étendue sur un tabouret et faisant des grimaces de possédé. Le malheureux porte-baleine s'était donné une entorse. Le secrétaire reçut alors l'ordre de courir chez les chantres. Tous deux avaient le corps dérangé. Pour se remettre, l'un avait pris un vomitif, l'autre un purgatif. Les deux médicaments opéraient de façon miraculeuse, et les deux malades espéraient être parfaitement remis le lendemain. Le maire commença à soupçonner une conspiration. Il envoya son secrétaire chez l'abbé Fortier. L'abbé Fortier avait été pris le matin même d'une attaque de goutte, et sa sœur tremblait que la goutte ne lui remontât dans l'estomac. Dès lors, pour M. de Lompré, il n'y eut plus de doute. Non seulement l'abbé Fortier ne voulait pas dire la messe sur l'autel de la patrie, mais en mettant hors de service le Bedeau et les chantres, mais en fermant toutes les portes de l'église, il n'empêchait qu'un autre prêtre, s'il s'en trouvait un là par hasard, ne dit la messe à sa place. La situation était grave. À cette époque, on ne croyait pas encore que l'autorité civile, dans de grandes circonstances, pût se séparer de l'autorité religieuse et qu'une fête quelconque pût aller sans messe. Quelques années plus tard, on tomba dans l'excès contraire. D'ailleurs, tous ces voyages du secrétaire ne s'étaient pas exécutés, aller-retour, sans que celui-ci commît quelques indiscrétions à l'endroit de l'entorse du Bedeau, du vomitif du premier chantre, du purgatif du second et de la goutte de l'abbé. Une sourde rumeur commençait à courir dans la population. On ne parlait pas moins que d'enfoncer les ports de l'église pour y prendre les vases sacrés et les ornements du culte et de traîner de force l'abbé Fortier à l'autel de la patrie. M. de Lompré, homme essentiellement conciliateur, calma ses premiers mouvements d'effervescence et offrit d'aller en ambassadeur trouver l'abbé Fortier. En conséquence, il s'achemina vers la rue de Soissons et frappa à la porte du digne abbé, aussi soigneusement verrouillée que celle de l'église. Mais il eut beau frapper, la porte resta close. M. de Lompré crut alors qu'il était nécessaire de requérir l'intervention de la force armée. Il donna l'ordre de prévenir le maréchal des logis et le brigadier de la gendarmerie. Tous deux étaient sur la grande place, ils accoururent à l'appel du maire. Un immense concours de population les suivait. Comme on n'avait ni baliste ni catapulte pour enfoncer la porte, on envoya tout simplement chercher un serrurier. Mais au moment où le serrurier mettait le crochet dans la serrure, la porte s'ouvrit et l'abbé Fortier parut sur le seuil. Non point tel que Coligny demandant à ses assassins « Mes frères, que me voulez-vous » mais tel que Calchas, l'œil en feu et le poil hérissé, ainsi que le dit Racine dans Iphigénie. Arrière ! Cria-t-il en levant la main avec un geste menaçant. Arrière, hérétique, impie, huguenot, relapse. Arrière, amalécite, sodomite, gomoréen. Débarrassez le seuil de l'homme du Seigneur. Il y eut un grand murmure dans la foule, murmure qui n'était pas, il faut le dire, en faveur de l'abbé Fortier. Pardon, dit M. de Lompré avec sa voix douce à laquelle il avait donné l'accent le plus persuasif possible. Pardon, monsieur l'abbé. Nous désirons savoir seulement si vous voulez ou si vous ne voulez pas dire la messe sur l'autel de la patrie. Si je veux dire la messe sur l'autel de la patrie, s'écria l'abbé entrant dans une de ces saintes colères auxquelles il était si enclin. Si je veux sanctionner la révolte, la rébellion, l'ingratitude, si je veux demander à Dieu de maudire la vertu et de bénir le péché, vous ne l'avez pas espéré, monsieur le maire. Vous voulez savoir, oui ou non, si je dirais votre messe sacrilège? Eh bien non, non, non, je ne la dirai pas. C'est bien, monsieur l'abbé, répondit le maire, vous êtes libre et l'on ne peut pas vous forcer. Ah, c'est bien heureux que je sois libre, dit l'abbé, c'est bien heureux qu'on ne puisse pas me forcer. En vérité, vous êtes trop bon, monsieur le maire. » Et avec un ricanement des plus insolents, il commença à repousser la porte au nez des autorités. La porte allait présenter, comme on dit en langage vulgaire, son visage de bois à l'assemblée tout abasourdi, quand un homme s'élança hors de la foule et d'un puissant effort rouvrit le battant aux trois quarts fermés et manqua de jeter l'abbé à la renverse, si vigoureux qu'il fût. Cet homme, c'était Billot. Billot pâle de colère, le front plissé, les dents grinçantes. Billot, on se le rappelle, était philosophe. En cette qualité, il détestait les prêtres, qu'il appelait des calotins et des fainéants. Il se fit un silence profond. On comprit qu'il allait se passer quelque chose de terrible entre ces deux hommes. Et cependant Billot, qui venait pour repousser la porte, de déployer une si grande violence, Billot débuta d'une voix calme, presque douce. « Pardon, monsieur le maire, » demanda-t-il. « Comment avez-vous dit cela? Vous avez dit... Répétez donc, je vous prie. Vous avez dit que si monsieur l'abbé ne voulait pas célébrer l'office, on ne pouvait pas le forcer à le faire ?»« Oui, en effet, » balbutia le pauvre monsieur de Lompré. « Oui, je crois bien lui avoir dit cela. »« Ah, c'est qu'alors vous avez avancé une grande erreur, monsieur le maire. Et dans le temps où nous sommes, il est important que les erreurs ne se propagent pas. » « Arrière sacrilège, arrière impie, arrière lapse, arrière hérétique !» cria l'abbé s'adressant à Billot. « Oh ! » dit Billot. « Monsieur l'abbé, taisons-nous ou cela finira mal. C'est moi qui vous en avertis. Je ne vous insulte pas, je discute. Monsieur le maire croit qu'on ne peut pas vous forcer à dire la messe. Moi, je prétends qu'on peut vous y forcer. »« Ah, manichéen !» s'écria l'abbé. « Ah, parpaillot !»« Silence !» dit Billot. « Je le dis et je le prouve. »« Silence !» cria tout le monde. « Silence !»« Vous entendez, monsieur l'abbé ?» dit Billot avec le même calme. « Tout le monde est de mon avis. »« Je ne prêche pas aussi bien que vous, mais il paraît que je dis des choses plus intéressantes puisqu'on m'écoute. » L'abbé avait bien envie de répliquer par quelque nouvel anathème, mais cette voix puissante de la multitude lui imposait malgré lui. « Parle, parle !» fit-il d'un air railleur. « Nous allons voir ce que tu vas dire. »« Vous allez voir, en effet, monsieur l'abbé, » dit Billot. « Va donc, je t'écoute. »« Et vous faites bien. » Puis, jetant un regard de côté sur l'abbé comme pour s'assurer que celui-ci allait se taire tandis qu'il parlerait. « Je dis donc, » continua Billot, « une chose bien simple, c'est que quiconque reçoit un salaire est obligé, en échange de ce salaire, de faire le métier pour lequel il est payé. »« Ah, » dit l'abbé, « je te vois venir. » »« Mes amis, » dit Billot avec la même douceur de voix et en s'adressant aux 200 ou 300 spectateurs de cette scène. « Que préférez-vous, entendre les injures de M. l'abbé ou écouter mes raisonnements ?»« Parlez, M. Billot, parlez, nous écoutons. Silence, l'abbé, silence !» Billot, cette fois, se contenta de regarder l'abbé et continua. « Je disais donc que quiconque touche un salaire est obligé de faire le métier pour lequel il est payé. Par exemple, voici monsieur le secrétaire de la mairie, il est payé pour faire les écritures de monsieur le maire, pour porter ses messages, pour rendre les réponses de ceux auxquels ces messages sont adressés. Monsieur le maire l'a envoyé chez vous, monsieur l'abbé, pour vous porter le programme de la fête. Eh bien, il ne lui serait pas venu dans l'idée de dire, monsieur le maire, je ne veux pas porter le programme de la fête à M. Fortier. N'est-ce pas, monsieur le secrétaire, que cela ne vous serait pas venu dans l'idée ? Non, monsieur Billot, répondit naïvement le secrétaire, ma foi, non. Vous entendez, monsieur l'abbé, dit Billot. Blasphémateur ! S'écria l'abbé. Silence ! Dirent les assistants. Billot poursuivit. Voici monsieur le maréchal des logis de la gendarmerie, qui est payé pour mettre le bon ordre là où le bon ordre est ou peut être troublé. Quand monsieur le maire a pensé tout à l'heure que le bon ordre pouvait être troublé par vous, monsieur l'abbé, et qu'il lui a fait dire de venir à son aide, monsieur le maréchal des logis n'a pas eu l'idée de lui répondre « Monsieur le maire, rétablissez l'ordre comme vous l'entendrez, mais rétablissez-le sans moi. » Vous n'avez pas eu l'idée de lui répondre cela, n'est-ce pas, monsieur le maréchal des logis ? Ma foi, non. C'était mon devoir de venir, dit simplement les maréchals des logis, et je suis venu. Vous entendez, monsieur l'abbé ? Dit Billot. L'abbé grinça des dents. Attendez, fit Billot. Voici un brave homme de serrurier. Son état, comme l'indique son nom, est de fabriquer et d'ouvrir ou de fermer les serrures. Tout à l'heure, monsieur le maire l'a envoyé chercher pour qu'il vînt ouvrir votre porte. Il ne lui a pas pris un instant l'idée de répondre à monsieur le maire « Je ne veux pas ouvrir la porte de monsieur Fortier. » « N'est-ce pas, Picard, que cette idée ne t'est pas venue ?»« Ma foi, non, » dit le serrurier. « J'ai pris mes crochets et je suis venu. »« Que chacun fasse son métier, les vaches seront bien gardées. »« Vous entendez, monsieur l'abbé ?» dit Billot. L'abbé voulut l'interrompre, mais Billot l'arrêta d'un geste. « Eh bien donc, » continua-t-il, « d'où vient, dites-moi cela, que vous qui êtes élu pour donner l'exemple, » quand tout le monde fait son devoir ici, vous seul, entendez-vous bien, vous seul ne le faites pas. Bravo, Billot, bravo ! Crièrent d'une seule voix les assistants. Non seulement vous seul ne le faites pas, répéta Billot, mais encore vous seul donnez l'exemple du désordre et du mal. Oh ! Dit l'abbé Fortier, comprenant qu'il fallait se défendre. L'Église est indépendante, l'Église n'obéit à personne, l'Église ne relève que d'elle-même. Et voilà ! « Justement le mal, dit Billot. C'est que vous faites un pouvoir dans le pays, un corps dans l'État. Vous êtes français ou étranger, vous êtes citoyen ou vous ne l'êtes pas. Si vous n'êtes pas citoyen, si vous n'êtes pas français, si vous êtes prussien, anglais ou autrichien, si c'est M. Pitt, M. Cobourg ou M. de Kaunitz qui vous paye, obéissez à M. Pitt, à M. Cobourg, à M. de Kaunitz. Mais si vous êtes français, si vous êtes citoyen, si c'est la nation qui vous paye, obéissez à la nation. » « Oui, oui !» crièrent 300 voix. « Et alors ?» dit Billot, le sourcil froncé, l'œil plein d'éclairs, et allongeant sa main puissante jusque sur l'épaule de l'abbé. « Et alors, au nom de la nation, prêtre, je te somme de remplir ta mission de paix et d'appeler les faveurs du ciel, les largesses de la Providence, la miséricorde du Seigneur sur tes concitoyens et sur ta patrie. Viens, viens !»« Bravo, Billot, vive Billot !» crièrent toutes les voix. « à l'hôtel, le prêtre !» Et encouragé par ses acclamations de son bras vigoureux, le fermier tira hors de la voûte protectrice de sa grande porte le premier prêtre peut-être qui, en France, eût donné aussi ouvertement le signal de la contre-révolution. L'abbé Fortier comprit qu'il n'y avait pas de résistance possible. « Eh bien oui, » dit-il, « le martyr, j'appelle le martyr, j'invoque le martyr, je demande le martyr. » Et il entonna à pleine voix le Liberanos Domine. C'était ce cortège étrange qui s'avançait vers la grande place à travers les cris et les clameurs, dont le bruit était venu frapper Pitou au moment où celui-ci était tout près de s'évanouir sous les remerciements, les tendres paroles et la pression de main de Catherine.